à tous ceux qui inventent des histoires sur moi et le label Néochrome. Sachez que nous on se connaît depuis l'époque des cassettes. On était dans le biz, les gens savaient même pas ce que c'était la rap. Ok, spécial, Hades, Yoni et Loco. Après 14 mois au placard, d'écriture et de garde. Après ma mixtape, chasse à l'homme après les tarbas. Je reviens poser mes couilles, miser sur mon staff à des scrolls, à la pelle qui craint. Les artistes en gros karma, bam, bam. À chaque sortie dans les packs, ça bicrame malgré le boycott des barres et des canards. Impossible à stop, productif comme la dope. Production au top, une bonne distrib, le son canard. Sport, son fait sous tease. Ils me veulent dans leur prod, y'a pas de surprise. Mais ça banane, solo, je m'invente pas une vie moi. Je dépasse pas 6 mois pour sortir un album sans dire. J'ai la suite pour Abdel Hakim, pour modèle, pour mon frangin KML et pour mon style. Je vais péter le thermo juste avec ma bouche. Tous ceux qui m'ont lâché me supplient de faire une team. Et yo, j'suis là en mode perquise, en zivide en chemise, en plein coup de spies. J'arrive en mode punties, en vrai pas de vise, de vrai pas de prise. J'suis là en mode perquise, en zivide en chemise, en plein coup de spies. J'arrive en mode punties, en vrai pas de vise, de vrai pas de prise. J'ai mis des jeunes dans la salade, on m'a vendu salade. Pendant qu'ils croient tenir volant, c'est toujours moi qui les balade. 1m70, 70 kilos, un cerveau qui pèse des tonnes. Plein de douceur dans la tornade, j'ai du boulot. Avec une feuille à stylo, moi j'ai des cornes. Loin des bons de cornes, à zéro, remets les comptes. Laissez tout souffrir des 60 ans. Ma bouche à moi sert qu'à l'épaule. Des fois, serre de ciseaux. Repenti, c'est mon début. Néochrome, c'est mon milieu. Hades Pro, c'est mon projet. Il est perdu dans ma rue. Dans ma ville, y'a des sticks, j'ai pas de team. Juste des vrais types qui me soutiennent. Pendant que je pèse les sons vieux. Si t'as des bonnes numéros, viens pas me le répéter. Si on devait dormir dehors, t'inviterai jamais sous ma tente. Si t'es mon pote, je te présente pas ma meuf. Si ça te plaît pas, c'est la même. Toi, t'as jamais montré ton compte. J'arrive en mode punchies, en vrai pas de vise, de vrai pas de prise. J'suis là en mode perquise, on s'y fait dans l'chemise, en plein coup de spies. J'arrive en mode punchies, en vrai pas de vise, de vrai pas de prise. J'ai invité des bons types dans mon album, pas d'hypocrite, au gros nom sur mes jeans. C'est pour ça que ça cartonne, A-A-D-D-E-E-S. Rien n'assiste pas comme les autres, y'a un problème, ok on se bastonne. Toujours été droit, toujours été bon, à chaque projet que j'emploie. Moi j'suis toujours dans les dons, une dédicace à mon pote. Le frère a des mots, hein. Bon homme jusqu'à la mort. On est toujours dans les plans. Pourquoi l'âme n'a pas posé? Autant elle chante avec Agnès. Je suis bien l'autre de sa nièce. Mendes veut exploser. Sur leur devoir un truc. En plus, je suis pas une pute. Ils ont menti à Soraya. Ils ne veulent pas m'exposer. Ouah, ouah, je suis là en mode perquise. En zivide, dans le chemise. En plein coup de spies. Ouah, ouah, j'arrive en mode punchies. En vrai, pas de vise. De vrai, pas de prise. Ouah, ouah, je suis là en mode perquise. En zivide, dans le chemise. En plein coup de spies. Ouah, ouah, j'arrive en mode. En vrai pas de prise, ça te ferait pas de prise. Ouah, ouah. Yeah. Pour ma petite nièce Soraya. Ouah, ouah. Écoute pas les rageux qui disent n'importe quoi. Viens avoir ton temps, viens. Ouah, ouah.